L'abîme blanchit, étale, furieux, doutant, veillant, roulant, avant de s'arrêter. Plutôt que de jouer, en maniaque chenu, la partie. Au nom des flots, penché de l'un ou l'autre bord. Hésite, coupant au ras bon. Toute pensée émet un coup de dé. Chancellera, s'affalera, folie. Veillant, doutant, roulant, brillant et méditant, hésite, avant de s'arrêter. À quelques points derniers qui le sacrent, toute pensée émet un coup de dé, hésite, penché de l'un ou l'autre bord. Prépare, s'agite et mêle, hésite, au point qu'il étreindrait, un destin élévant, être un autre. Plume, solitaire. Et perdu. Être un autre. Comme ici. Une insinuation simple. Comme si. Plume solitaire. Et perdu. Chancellera comme si ça valera choix. Hésite. Rire que si, de vertige debout, le temps de souffleter, bifurquer, un roc, faux manoir tout de suite, évaporé en brume, qui imposa une borne à l'infini. De vertige debout. Oui. Penché de l'un ou l'autre bord, penché de l'un ou l'autre bord. Plume solitaire et perdu, et perdu. Oui. De vertige debout, le temps de souffleter, bifurquer, un roc, tout de suite, évaporé en bruit qui imposa une borne à l'infini. De vertige debout, le temps de souffler, bifurquer, un roc, de vertige debout, tout de suite, évaporé en brume qui imposa une borne à l'infini. Il me semble pas simple parfois, que je tourne toujours dans le même vortex et que sitôt que la tempête viendra rouler encore, elle me prendra aussi d'un seul coup d'aile. Je devrais rebondir hors des ordres de l'ordre et de la mesure. Et je tournoierai. Et pencher de l'un ou l'autre bord. Plume. Plutôt que de jouer la partie. Simple mortel qui joue sans calcul. Et je brûle, je sens flamber la lèvre dans mes lèvres. Voltige. Et là, ce que les filles chantent, il a trouvé au mur. C'est fait pour donner la fièvre. Jamais un coup de dé abolira le hasard. Plume. Jamais un coup de dé n'abolira le hasard. Oh, quelle jolie façon de brûler. Voltige. Choix la plume. Hésite dans ces parages du vague. En quoi toute réalité se dissout. Être un autre. Je tournoierai. Chancellera. Du secret qu'il détient. Hésite. Voltige. Jadis, il empoignait la barre. De vertige, debout, le temps de souffleter, bifurqué, un roc cadavre par le bras. Hésite. Évaporé en brume qui imposa une borne à l'infini. Je tournoierai. Plume, simple mortel. Je tournoierai. Qui joue sans calcul. Plume. Solitaire. Perdu. Dédé de Varville, nuit de mai, duchesse de Sarthe, Bibi du Gavreguet, Dakota du Poteau, Éclipse du Noyer, Carmelo des Forêts, Tous du Lupin, Petite Camille, Énième Chasse, Fidèle, Étoile de Bataille, Vessieux du Jardin Grand Chant, Pintier de la Rêve, Que c'était l'extérieur du 16 juin de lui, chasse-forêt, pépirage, rage, râle.